j'étais nostalgique, chagriné, abattu, d'humeur mélancolique et funèbre et déçu. Je suis sorti dans la nuit, dans l'obscur crépuscule, perdu dans ce cambouis, je suis le noctambule. Toutes les portes sont fermées, ouvertures cadenassées, les grilles verrouillées, les fenêtres bouchées. Je me sens défectueux, je me sens délabré. Dans cette nuit peinte en bleu, je me suis égaré. Je rencontre un ivrogne, un pilier de bistrot, un soulard, un poivreau, à l'inquiétante trogne qui fulmine et aboie et éclate en menace, en colère contre moi. Comment briser la glace? C'est une blague, un bobard, une fable, une histoire. Drôle de mentalité, en plus il est armé. D'un sabre et d'une épée et d'un monstre d'insulte. Il veut me couper, me hacher, me planter, tronçonner, charcuter, me taillader le nez. Je serai soigné de jolies filles de salle au sourire fatigué. J'arriverai dans le coma, dans un état morbide, infecté et gaga, complètement invalide, à cause d'un alcoolique, aliéné, éthylique, d'un salaud, d'un fumier, d'un stupide goret. Mais l'ignoble m'oublie, et dans son délirium, il parle à une fourmi des délices du rhum. La noirceur complètement déprimante, pour ne pas avoir peur, je siffle et puis je chante. Les citoyens s'éveillent, exaspérés, furieux. Ils me lancent des réveils et ils visent les yeux. Alors je vais plus loin, loin de ces insensés, ces badauds siphonnés, désagréables au moins. Un gigantesque slip d'une teinte un peu morne lui sert de par-dessus, de pull et de chemise. Je fais celui qui a rien vu, je continue dans la bise. Le vent souffle en effet, le blizzard, le mistral, en glacial rafale, en bourrasque gelée. Je grimpe les escaliers, je survole les marches, j'additionne les paliers avec les contre-marches. Je m'enfonce dans un couloir, un immense vestibule, corridor sans espoir, tout nu je déambule, et j'entr'ouvre une porte, et puis une autre porte. Je me perds dans ces lieux, à la recherche d'un pieu.